Je vais essayer de mettre ma guitare à côté pour voir un peu. Alors, ça donnait quoi? Nickel, hein, mon gars. Ah, c'était bien. J'entends plus rien. C'est normal, je parle pas. D'accord. Bon, ben je quitte cette merde et je retourne sur Facebook parce que je vais pas tarder. Ok. Ok. Oh my Non, attends 2 minutes, attends 2 minutes. ouais, j'attends.